Chapitre 26e. À 4 heures après-midi, nous entrions dans le lit de l'Amazone après avoir quitté le rio Taragi. Voilà bien cette fois le grand fleuve, toujours parsemé d'îles, mais à une très grande distance. C'était en diminutif cette mer que j'avais pensé trouver. Peu à peu, le vent fraîchit, et vers le soir, une bourrasque des tropiques, accompagnée de pluie, vint nous donner une idée de ce dont l'Amazone était capable. On s'empressa de fermer les rideaux de grosse toile qui entouraient la dunette, notre réfectoire et notre dortoir habituel, ce qui n'empêcha pas la pluie d'en faire en quelques instants une salle de bain. On tira de même deux immenses rideaux qui séparaient la dunette du reste du navire, à peu près comme un rideau de spectacle sépare le public des acteurs. La différence était qu'au lieu d'un seul, nous en avions deux se fermant au milieu, comme le corset des dames à l'aide d'un lacet. Je m'étais blotti à l'avant dans un petit réduit à l'abri de l'eau. La nuit était venue tout à fait. J'entendais les commandements du capitaine, mais je ne pouvais le voir. Ses ordres ne s'exécutaient pas facilement, tant le pont était encombré de bois pour le chauffage. Nous venions récemment de faire notre provision. Le tonnerre grondait de telle sorte qu'il semblait être bien près de nous. Un éclair plus éblouissant encore que les autres illumina le pont, et je vis d'où partait la voix du capitaine. Bien abrité sur la dunette, il avait un peu desserré le lacet et avait passé sa tête couverte d'un grand chapeau qui le préservait de la pluie. De ce poste confortable, il commandait la manœuvre, à peu près comme un régisseur prévient l'orchestre qu'il veut commencer l'ouverture. J'avais vu déjà bien des officiers, des généraux portant des parapluies. Je ne pus qu'approuver la précaution du capitaine. Quant à moi, j'aurais bien voulu être à sa place. Je me trouvais dans un bas de siège toutes les fois que le tangage faisait plonger l'avant dans les lames, les ouvertures pour faire écouler l'eau n'étant pas suffisantes. Quand je pus revenir à mon hamac, je le trouvais dans un triste état et tout dégoûtant d'eau. Il m'était impossible de songer à m'en servir. Heureusement, c'était le seul. Tous les autres avaient été serrés avec soin. Personne n'avait songé au mien. Polycarpe n'avait pas paru. Le beau temps avait remplacé l'orage. La lune brillait. Nous avions tout près de nous, à droite, l'île Gurupa, le fleuve Shingo à gauche. Nous nous étions rapprochés peu à peu du rivage. Le fleuve s'était resserré de nouveau. Nous passâmes près d'une île fort petite, nommée Adjuba. À notre approche, une bande de toucans, perchée au sommet d'un arbre plus élevé que les autres, s'envola en faisant grand bruit. Les plantes aquatiques s'avançaient dans l'eau. Là aussi se trouvaient ces palissades fleuries, et comme je venais d'en voir emporter par le courant, je reconnus que je m'étais trompé en les prenant pour des orchidées. Les montagnes de la Guyane se dessinaient au loin. Monsieur O me fit remarquer une terre qui n'existait pas l'an dernier. On voit très souvent des îles formées ainsi. Des arbres arrachés par les courants, trouvant des bas-fonds, des obstacles quelconques, arrêtant au passage des terres et des détritus emportés aussi, et un terrain solide s'élève en peu de temps. Les rivages se couvrirent ensuite d'arbres déracinés. Le côté sud des îles avait été plus ravagé que le côté nord. Quand venait l'après-midi, le soleil nous gênait beaucoup. Nous naviguions presque directement de l'est à l'ouest. Mon enthousiasme pour la nature vierge était toujours le même. Partout où je pouvais me mettre à l'abri du soleil, j'écrivais ou je dessinais, malgré la marche du navire. Ce matin, des cris de toutes sortes m'ont éveillé. Un instant, je me crus dans ma case au milieu des bois. Je m'empressai d'ouvrir les rideaux. Nous traversions encore les plantes aquatiques. Trois aras se sauvaient en répétant ce cri auquel ils doivent leur nom. Une aigrette, plus brave sans doute, resta perchée sur une branche et ne se posa pas même sur sa seconde patte qu'elle avait repliée sous son ventre quand nous passâmes près d'elle. Je ne me trompais pas. C'était bien le cri de l'oiseau fantôme, ce cri, le premier, qui saluait le jour de mon arrivée, quand je couchais sur ma natte dans les forêts vierges. Alors, comme à cette époque, je l'entendis et ne le vis pas. Était-ce donc une âme? Les Indiens avaient-ils raison? Cet oiseau de malheur m'avait prédit ce qui m'était arrivé plus tard chez mon hôte, et était-ce un nouveau présage de ce qui m'attendait dans les solitudes où j'allais vivre de nouveau? Ce chant me faisait éprouver une singulière impression. Il m'avait découragé. Il me faisait voir seulement le mauvais côté des choses. Les îles ne me paraissaient plus aussi intéressantes. On m'avait parlé de plages immenses, toutes couvertes d'œufs de tortue. Les eaux les couvraient entièrement. Et l'Amazone ne paraissait pas devoir entrer de sitôt dans son lit. Cela changeait beaucoup mes projets. On jeta l'ancre devant Praina. C'était la première petite ville que nous voyions depuis que je m'étais donné la tâche de faire toutes celles devant lesquelles nous passerions. Celle-ci, comme toutes les autres, se composait de baraques, dont quelques-unes étaient enduites de chaux. L'église m'apparut très petite. On sonnait la messe. Nous prîmes en passant un jeune prêtre à tournure modeste. Une heure après, on ne l'eut plus reconnu. Il reparut sur le pont sous la forme d'un élégant dandy avec cigare et lorgnon. Nous approchions de Santarém. La terre ferme commençait à paraître. Les arbres n'avaient plus les formes gracieuses empruntées aux plantes grimpantes. Le paysage ressemblait plus à ceux d'Europe qu'à ceux d'Amérique. Et pour compléter l'illusion, des bandes de canards s'envolaient devant nous. Nous entrâmes dans des eaux bien différentes de celles de l'Amazone, qui sont jaunes et sales. Celles-ci étaient d'un noir bleuâtre et avaient la tranquillité d'un lac. L'Amazone, au contraire, était fort agitée. Les lames s'élevaient très haut. Nous arrivâmes à Santarém vers midi. Cette petite ville est bâtie sur les bords du fleuve Tapajós, dont nous avions vu les eaux bleues. Le capitaine, allant à terre, m'offrit de descendre avec lui dans son embarcation. Polycarpe m'avait demandé la permission d'aller de son côté. Il était de Santarém ou des environs. Cette demande était trop juste. Je lui avais donné en outre de l'argent pour s'acheter quelques effets, n'ayant pas eu le temps de le faire au paria. Il me promit, non en parole mais par geste, de revenir dans une heure. Je me promenais solitairement sur la plage. Quand je vis un monsieur venir à moi, c'était l'agent principal de la compagnie des bateaux à vapeur de l'Amazone. Le capitaine l'avait prévenu de mon passage. Il mit sa maison à ma disposition, ne voulant pas qu'à mon retour, si je séjournais à Santarém, j'allasse autre part que chez lui. La lettre que je lui remis produisit également son effet sur le capitaine, qui depuis ne cessa de me témoigner une grande déférence. Nous avions laissé quelques passagers à Santarém et à Brevès. Depuis leur départ, tout le monde était gai à bord. Le capitaine, gros bon garçon, riait toujours. L'immediato, le second, était un charmant jeune homme, blond comme un Américain du Nord. Il y avait en outre un jeune docteur militaire, allant ainsi que moi et mon nouvel ami à la barra do Rio Negro. Quand on voyage au Brésil dans les navires à vapeur, on est certain de voir toujours des employés du gouvernement en grand nombre, quelques négociants, mais jamais de curieux. Comme toutes les professions ont des docteurs, nous en avions quitté plusieurs et nous en possédions encore, et moi aussi j'en étais un. En sortant de Santarém et du fleuve Tapajós, nous regagnâmes l'Amazone par un charmant petit canal. La nature ici n'était pas grandiose, mais si jolie que je regrettais de passer outre. Des oiseaux de toutes couleurs se promenaient sur les bords fleuris de ce petit paradis terrestre. L'eau était si calme que, la chaleur aidant, tout le monde exprimait le désir de se baigner. On ne courait aucun danger, et déjà nous parlions de demander la permission au capitaine. Un quart d'heure eût suffi. Ceux qui ne savaient pas nager se seraient aidés et soutenus par des troncs d'arbres qu'on voyait glisser légèrement à fleur d'eau. Ce qui fit qu'on ne demanda rien, ce fut qu'on vit que ces pièces de bois remontaient le courant. Ce fut qu'en y regardant de plus près, on s'aperçut qu'il y avait eu erreur, c'était des caïmans.